Oui. Par... Côté juvénile, j'avais seulement un joueur de secondaire 5. Okay. Fait que on garde encore là, tout le noyau va être encore là. Du côté Benjamin, j'ai trois joueurs qui vont nous quitter pour l'équipe juvénile, justement. Fait que j'ai encore un bon noyau aussi. Non, ça c'est ça, le sport étudiant, c'est souvent ça, c'est des vagues, hein. Ah ouais, c'est sûr. Fait que là, je suis encore dans je suis dans le haut de la vague, là. Okay. L'année prochaine devrait être une belle année. OK. Parce que ça devrait être terminant. François Potvin explique qu'il pourrait y avoir du mini-basket au cours des prochaines années en Normandie. Question évidemment de préparer la relève. Ouais. À côté, avec l'école, vraiment, ça va super bien. Là. Ouais. Notre responsable des sports, c'est Danny Guimond, là, tu dois bien connaître. Oui. Super bon. Puis tu sais, la direction, il nous écoute bien. Puis ça va bien. Okay. C'est sûr que ça c'est un travail que je vais avoir à faire à un moment donné aussi. C'est appelons ça les filiales si on veut, mais ça va être avec le mini basket là. Ouais. Pour ça va être créer des liens. Oui, c'est ça, pour que ça commence plus tôt, pour que au primaire, est-ce que c'est quelque chose au primaire que tu pourrais même travailler? Ça peut se travailler de ce côté-là, là? Oui, c'est ça que je viserais. Il faut vraiment qu'on aille chercher les 5e, 6e années là, pour que ça commence là. Parce que la clé est là, on parle avec les équipes, là, les grosses équipes dans la région, puis c'est tout leur programme est commencé depuis 4e, 5e, 6e année. Là. Ouais, c'est sûr. Fait que on réinvente rien, là, faut juste... Je vous invite donc à écouter la section entrevue de DonRadioSport.com. Il y a Marc Fortier qui parle évidemment du Canadien de Montréal. On a fait une entrevue avec François Potvin qui nous parle évidemment du hockey, du basketball à Normandin. Et également Guillaume Gué vient nous parler des Sabres de Roberval. Sport local et régional à DonRadioSport.com. On s'en occupe.